Examen 4. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Salut Delphine, comment ça va? Pierrick fait une soirée crêpe samedi prochain à partir de 8h30. Tu veux venir? Si ça t'intéresse, appelle-moi sur mon portable ou envoie-moi un texto. Je te rappelle le numéro, c'est le 06 24 56 78 90.